dans la sacoche la rançon. Mauvais garçon dans la gare. Marcel la nuit sous tension, seule ambition, faire du wari. C'est rien de personnel, très organisé, c'est les professionnels. On déploie nos ailes pour les traumatiser que personne se mêle. Dès que la lune se lève, j'suis dans le bloc des Siocho. Pétard relève, ça rêve de grosses sommes et de gros chocho. Madre mia, soyungalocho. Roupie le jour que dans ce lait, un trompe, tu te spais sous le colchon. Gamberge à sortir maman du barrio. Trouver la paix, essai avant la fin du scénario. Mais trop souvent pressé, notre cœur est trop stressé. Fini par presser la détente vide à l'oca sicario. Les poches et le ventre vide, je connais. Les ruelles sont bougées, donner ma jeunesse consumée. Peu de regrets, tout est assumé. Au volant de ma vie, je mets les pleins gars sans être assuré. C'est la night, je remets un plein à la pompe. Et ça barre dans la ville sur un fond d'Akhenaton. Pour des histoires de blocs, ça charge des fusils à pompe. Et je repense à mon ex sur le chemin de la jump. Pas marre de voir les mêmes têtes traîner dans les mêmes coins. Pas peur de fumer sur les mêmes bêtes, insulter les mêmes condés. Y'a des clients de mâche la nuit qui nous font des OD. Et les petits en prise en chasse, sans casquiller par la mondée. Marseille arrache la patek au poignet de monégasque. Ce qui nous intéresse à nous, bien sûr, c'est le monnaie cash. Et si tu permets, tu gagnes. C'est comme la Sadaka. Et tu me verras tard dans ta ville comme un mouvement. Malaika. Je sais très bien où je vais et j'oublie pas d'où je viens, je sais qui je suis. Et à quel quartier j'appartiens, je sais très bien où je vais et j'oublie pas d'où je viens, je sais qui je suis. Et à quel quartier j'appartiens. J'ai écrit ce texte en cellule, les yeux rivés sur la fenêtre. Avec zéro dans le PQ, un peu mal à la tête. Pas de news de l'extérieur, le temps de me trouver un chenille. Ça me range à l'intérieur, j'trouve la gamelle, pas de cantine. Toujours fidèle au MK3, ce quartier m'a vu grandir. J'ai connu ces moments de joie, mais aussi connu le pire. Qui sait que je me sens chez moi. Très organisé, car à loco on vise l'avenir. La nuit à Marseille, ça pilote des gros engins. Que des têtes cassées qui aiment pas trop se mélanger. Ici même calibré, ça va acheter le pain. Ça regarde de partout, quand au resto ça va manger. La nuit à Marseille, y'a des voleurs, y'a des brigands. Faut des sous pour la maison, les petits s'en foutent du président. Y'a des poursuites en deux temps, ça câble quand y'a la police. Parce que les menottes ils les serrent quand tu fais des choses à haut risque. Y'a le galérien en terre qui veut niquer le pain en riche. Et quand ça passe qu'à couler Dolce, tu crois que c'est des terroristes. Lunettes de skieur. Ça fait cher clair, t'as le syndrome du T-Max, on dirait que t'as vidé un chargeur. La nuit c'est bad. La nuit c'est hard, patate, matraque. La nuit ça plane. La nuit ça casse mes nuits, shot shot comme à Bagdad. Carnage, Schmitt, Mecta. Bagar, shit, extra. Quand j'arrive, je fais le spectacle. Bonhomme solide, respectable. Ah, ah. J'suis à fond dans la gare. Ah, ah. J'suis avec Saïd et Bakari. Ah, ah. Elle se sent en Ferrari. Ah, ah. En vrai, elle sent la Ferrari. Ah, ah. J'connais la night, j'fais pas de fight. Attention, j'suis calibré, fais pas le mic. J'connais la night, j'fais pas de fight. Attention, j'suis calibré, fais pas le mic. Dans la sacoche la rançon, mauvais garçon dans la gare. Marseille la nuit sous tension, seule ambition, faire du wari. C'est rien de personnel, très organisé, c'est les professionnels. On déploie nos ailes pour les traumatiser que personne ne se mêle. La nuit c'est crime, vol, cheat, Glock 09. Pas là pour faire le perroquet, pas là pour plaire aux meufs. Ça tombe, ça vrille, ça plombe, ça brille, ça deal, ça rit. Pour un regard de travers, ça te sort le neuf. Le game en otage, là c'est trop tard. Le bruit du moteur fait peur même aux motards. Évasion placard, comme un serpentard. Des yeux de bâtard, ouais, ça sent la patate. C'est la zone PD, en bande organisée. On braque le four et là qui va rivaliser. On met tout le monde à terre, fils d'un n'est pas raciste. Un 45 entre les cuisses, équipe de 46. On a déjà dépassé l'Amérique. J'suis dans le futur, j'suis en Afrique. Le bling bling c'est pour mes filles. Disons que pour le reste je me méfie. Gros boost sur le périph. J'suis pas dans Scarface, j'suis dans les starting. Coup de pute, ouais c'est terrible. Il t'a laissé solo sur le parking. Mon son tourne en boîte, j'suis dans le secteur. FHAR est de mauvaise humeur. J'fais danser l'avocate, nique l'inspecteur. Et ça tient le rasi jusqu'à pas d'heure. Ça se promène, baisse ton seigneur sous la gabardine. Sa zone à 5, serré dans la citadine. Y'a des pirates, des quartiers nord jusqu'à la Valentine. Que sur le ciment, ça refait le monde sous vodka grenadine. Elle est mignonne, tu l'as levée, elle t'a donné RDV. Un texto ça va débouler, cagoulé un XATV. La nuit j'vois des petits à l'affût, ça cherche des clean, ça entubé. Caché dans l'obscurité, j'vois des mecs brouches à titubé. Mais voir la nuit c'est la folie. Que des têtes carbonisées, de flics piat à la soli. Fais pas la franchise, joue pas les mafieux comme poli. Téménique, ça t'allume comme un Napoli. Le jour c'est Miami, la nuit ça devient Cali. Drogue dure et argent sale dans la valise. Le jour, grosse liasse, grosse bitch dans la gare. La nuit, faut la paire de gants et le petit calibre. Soit t'es avec nous, soit tu niques toute ta famille. Pendant que tu fais la mala, y'en a qui soulèvent ta gadi. Ça donne des gommes, heureusement que des frères pas d'amis. Heureusement organisé comme en Colombie. T'as les pecs et les bras, tu ne rafales, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri, abracadabra, ça t'élimine comme par magie. Dans la sacoche la rançon, mauvais garçon dans la gare. Marseille la nuit sous tension, seule ambition, faire du wari. et c'est les professionnels. On déploie nos ailes pour les traumatiser que personne se mêle.